sai no sangue. Signai te di, signai te di, Adela ne qui me prie. Signai te di. Isufu tina kitra